émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial David Carrera. Passez une bonne soirée, bienvenue, comment ça va David? Ça va et toi? En pleine forme? Bah depuis hier. Je pensais que t'allais prendre le contrôle de l'émission parce que je t'ai vu, je pensais que t'allais parler direct en fait. Bam, je suis là. Et voilà, tu es là pour cette quatrième soirée dans Planète Rap avec l'album Tout Recommencer qui est dans les bacs depuis fin août. Bah, bienvenue à toi, bienvenue à tout le monde aussi, il y a du monde avec toi comme d'hab. Bah, c'est bien, c'est cool, bien entouré, il y a plus de garçons ce soir quand même. Attends, oui, ils sont deux. Hier, il y en avait un, il y en a deux ce soir. Non, il y en a plus, il y en a quatre. Non, il y en a plus, il y en a six. Faites un petit peu de bruit, s'il vous plaît, parce qu'on s'est habitué à avoir des applaudissements, des toits. Les gens venus soutenir David Carrera et puis ceux qui nous écoutent aussi avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Faites du bruit d'ailleurs. Faites du bruit, on va voir beaucoup d'hashtags, beaucoup de tweets. Oui, je suis énervé, on n'est pas entêté. Qu'est-ce qui se passe, David? C'est pas possible. C'est quoi le problème? Bah, au moins, tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit que le fait d'utiliser toujours le même hashtag, ça bloque et t'arrives pas à revenir en TT. Ça, c'est les trucs que les nerds des TT ils comprennent. Ça, c'est les trucs geeks techniques. C'est des geeks techniques. Très bien, bah, on va essayer quand même de faire péter. S'il y a un geek qui peut tout faire péter ce soir, allez-y, avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Ce soir, que va-t-il se passer, David, s'il te plaît, dans l'émission? Tu es là, en invité? Je suis là, en invité. C'est un peu j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui partagent la scène avec moi. Il y a Aziz avec moi là ce soir, qui est chorégraphe. Ça va? Grand chorégraphe. Et voilà, chorégraphe et qui back en fait dans tout ce qu'on fait en scène. Il y a Lordissa. Mais ça, attends, Lordissa, c'est pas DJ, ça. Lordissa, comment ça va, Lordissa? Je sais pas si mon micro est allumé. Mais oui, on t'entend. Ok, ça va et toi? Bah en pleine forme, ça fait plaisir de te revoir ici. Bah ouais, ça fait longtemps. Il paraît qu'en plus Lordissa bosse sur Ministère Hammer. Hier, on a filé des places, tu te souviens, dans l'émission. Et ouais. Et ça, c'est un concert. Et tu seras présent à l'Olympia lundi? Bah ouais, lundi, hein. Bon, tu peux balancer 2-3 trucs, à qui en inviter des trucs de... Ah, surprise. Donc faut être là, c'est date unique, hein. Faut être là, ouais, faut être là. 22 septembre, lundi, loupez pas Ministère Hammer. D'ailleurs, il y aura une nocturne demain soir à partir de minuit avec Passy Stomy à pas louper. Ce sera juste après Difool à partir de minuit. Lordissa, bienvenue. Il y aura donc du live ce soir avec toi à Palais. Et tout de suite pour débuter, est-ce qu'on se rappellerait pas ce qui s'est passé hier? Je pense que c'est une très bonne idée. Hier, moi, je me suis beaucoup amusé. Moi aussi, comme d'hab, comme depuis lundi. Avec il y avait Cindy. Toi, tu t'es mis en mode pervers. T'es sûr? T'étais un peu en mode pervers quand même hier. Ce soir, ce sera pire. Et il y avait LECK qui était avec nous aussi. LECK aussi. On se rappelle ce qui s'est passé hier soir avec ce petit zapping de l'émission. C'est parti. David Carrera on Planet Rap. Ce soir, il y a des invités. À tes côtés. Il y a des invités du 9-4. Eh, 9-4. De la maison. C'est monsieur LECK qui est là. Bonjour. On peut applaudir LECK aussi. Merci. C'est quoi l'histoire avec LECK? Tu veux nous dire un mot, David? C'était en 2011. Je crois que tu venais sortir un titre qui s'appelait All In. Ouais. Et quand j'ai écouté le titre, j'ai dit c'est ouf. Donc j'étais bouleversé. Je lui ai dit moi j'adorerais travailler avec LECK un de ces jours, tu vois. Depuis lundi, tout le monde dit humainement il y a un truc incroyable avec Skyrock. Il est incroyable. Franchement, il est dans l'esprit hip hop. Il le sait même pas. Skyrock, yeah, Rastafari, yeah. Derrière les airs invincibles de nos héros tranquilles, il y a toujours le même chaos, les mêmes moments difficiles. Viser le chaos, gagner sa place en haut. Frapper, viser le chaos. Skyrock. Bon bah écoutez, tiens, ce que pensent les gens de toi, ça t'intéresse ou pas? Ouais, ça m'intéresse. On est parti dans la rue, c'est le son de la rue maintenant. Si, il est beau. Ouais, il est beau. Ouais, il chante bien. J'aime bien son album. Ah, voilà. Bah, je le suis depuis qu'il a commencé au Portugal. Donc j'ai adoré toutes les séries qu'il a fait au Portugal. J'allais dire que je l'adore et... C'est une perfection. Oh oh, on garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Je ne veux plus danser, je ne veux plus jouer avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Cindy qui nous a rejoint aussi. Je suis là. Qui a donc une nouvelle à annoncer. Oui. On y va ? Bah, c'est parti. Donc ça va être le nom de ton album. Le titre, oui, de mon album. T'es sûr ? Donc alors attention, si on avait un roulement de tambour, j'en ai pas de roulement de tambour. Merci, merci. Ça, c'est les tambours. C'est l'hélicoptère. C'est le tambour de Warzazan. Voilà, attention. Cindy, ton album qui va sortir en 2015, il va s'appeler Selfie. Selfie. Oui. Magnifique. Le replay. Tout le monde est prêt à chanter Boom ? Oui. Tout le monde. Yeah. Plus fort. Un. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. Yeah. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Planet Rap. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap. C'était hier soir dans l'émission à l'instant. C'était le petit zapping de l'émission avec le David Carrera. Entre 20 et 21 ce soir, on va faire un gros zapping puisqu'il y a donc Aziz qui est là. Donc Aziz qui va t'accompagner. Est-ce qu'il y a une tournée qu'on peut annoncer ou pas, David ? Bah, pour l'instant, on est surtout sur l'envie de montrer l'album à tout le monde. Donc il est dans les bacs. Allez l'acheter. Ça, c'est ma petite mocobrie de la journée. Oui, tu as raison. Une très belle mocobrie. Une très belle mocobrie. Il y a eu un descendant de la mocobrie qui est venu hier, LECK, qui nous a expliqué comment ça marchait. Et non, on est surtout sur l'envie de montrer en fait ma musique à tout le monde. Pour après, c'est sûr que j'ai envie de faire de la scène, mais il y a rien de prévu pour l'instant. Mais des choses que t'as déjà fait, de la scène un peu, même enfin au Portugal peut-être avec ton album. Ouais, au Portugal et même ici, on a fait pas mal de showcase, pas mal de clubs aussi pour commencer à partager un peu avec le public. Et c'est là que tu t'amuses le plus, c'est quand t'es sur scène et que tu chantes tes chansons avec tout le monde. Et voilà, c'est pour ça que ce soir, on va essayer de faire un petit truc avec Lordissa. Avec Lordissa, ouais. Et s'éclater avec tout le monde ici dans le studio. Ce sera en fin d'émission, justement. Bah, tu danseras d'ailleurs aussi. Ah, tu veux que je danse ? Bah, avec Aziz qui va nous montrer deux, trois pas carréaresques. Tu peux apprendre des pas carréaresques aussi. C'est vrai ? Je pense que si vous voulez que Fred apprenne des pas carréaresques. Non, mais vous pouvez pas rivaliser. Vous pouvez faire le hashtag Fred danse, s'il te plaît. Non, Aziz, tu peux pas rivaliser, mais moi, c'est 3-4 heures du mat, en fait. Il y a à partir d'un certain horaire où là, je suis imbattable. J'ai un king, et les genoux qui partent dans tous les sens. Donc ça, je suis imbattable. Donc on essaiera peut-être tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Ça roule. Avant la fin de l'émission, on débute comme chaque soir avec Viser le KO. Ouais, je pense qu'on peut. Allez, c'est parti. Coup d'envoi, Viser le KO avec Snoop Dogg, c'est David Carrera. L'album est dans les bacs depuis fin août. David Carrera, Big Snoop Dogg. We doing this one for the kids. All love, peace. Ja! Rastafari. Derrière les airs invincibles de nos héros tranquilles. Il y a toujours le même chaos, les mêmes moments difficiles. Et quand c'est à moi d'avancer, faire revoir mes pensées. C'est géant. Me donne l'espoir, la force et l'envie d'y croire. Moi, Nathalie, a eu peur de tomber. À toi, Gino, de mauvais scénario. Sur un terrain ou un ring, Jordan, Jackson, Luther King. Et comme je me suis dit, I have a dream. In the streets, all drama free. So slick and so quick, but I'ma do it honestly. Inspire and uplift the youth. Lead with direction, speak on the truth. Like this. Big Snoop got game to obtain. For real though, come here though, do what I feel though. Turn it up loud, yeah, so I can go ahead and break it on down. Da da da da da da da da. Frappe, viser le chaos. gagner sa place en haut. Frapper, viser le chaos. C'est tout ce qu'il nous faut. Sur Skyrock. Pour recommencer. David Carrera avec Snoop Dogg à l'instant, Viser le chaos, c'est extrait de l'album qui est dans les bacs, Tout recommencer. Un petit mot parce qu'on n'a rien dit en fait sur ce morceau, comment il est né, David, celui-ci. Bah en fait, c'est vrai, on n'a pas expliqué celui-ci. Bah oui. Bah en fait, il est né à Los Angeles. En fait, j'ai rencontré Snoop avec ses producteurs à Los Angeles. Je lui ai dit, bah j'ai un titre qui est un peu caché dans les armoires, et dans lequel il y a un sample un peu old school, un sample de Tom's Dinner de Suzanne Vega. Exact. Et il y avait seulement le refrain, le tap tap tap tap tap. Avant, je crois que c'était la pub de la GMF ou un truc dans le délire. Je sais pas, tu as un contrat à la GMF peut-être? Oui, si vous m'entendez à la GMF. Tu cherches un contrat quelque part? Oui, je cherche un petit contrat, un petit. J'ai plus. Non, je me souviens de Suzanne Vega, en effet, Tom's Dinner. Et voilà. Mais je me souviens pas de la GMF. Je suis désolé, David. Non, mais sérieux, c'est vraiment un titre que. Moi, je me souvenais pas que c'était de Suzanne Vega à l'époque, mais je l'entendais. Mais t'étais pas né. Mais c'est ça. Ouais, aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai. T'es né quand, toi? Moi, je suis né en 91. Ouais, ça devait être juste. C'est juste. Mais non, mais je connaissais le titre beaucoup. J'avais seulement enregistré le refrain avec une instru, et je le montre à Snoop et je lui dis, bah je veux parler d'un texte qui dit, bah crois en tes rêves, crois en toi, et vise le chaos. Et vise le chaos. Donc il a kiffé l'idée. On a travaillé. Il a mis genre 20 minutes à écrire son texte et à poser, donc super fast. Et voilà, après je lui ai dit, est-ce que tu peux faire un petit David Carrera? Et il s'est mis derrière le mic. Il a dit, ok, grand plaisir. Wanna do Big Snoop, David Carrera. Putain, tu la tiens la voix. Skyrock. Merde, on aurait pu faire croire qu'il y avait Snoop avec nous ce soir, merde. Dab-dab-dab-do, Fred. Ah, trop fort. Bon, et bonne vibe, hein, Snoop, trop fort le mec. Super vibe, ouais. il est dans son monde, mais il est cool, tu vois, il est cool. Il y a rien à dire. C'est vraiment un vrai artiste. Et il est pur, il est humble, et c'est ça qui est cool. Je pense pendant tout le planète rap, on a eu que des artistes comme ça qui sont venus, que ce soit LSK, Dry, que ce soit Cindy, Mokobé. Il y a vraiment que des gens purs, tu des vois. Des gens bien sur ton album. Et voilà, et Snoop il fait partie de ces gens-là, et c'est bien amusé. Bon, ce morceau en tout cas, vous le retrouvez sur l'album Tout Recommencer qui est dans les bacs depuis fin août. On va peut-être écouter d'ailleurs Tout Recommencer. Puisque je crois que dans un instant, on passera un coup de fil à celui qui a produit le morceau. Yes. Quelqu'un important Scalpovic. Aussi pour toi. Super important. Moi, j'ai connu Scalp à l'époque de, je sais pas si tu te rappelles, de R&B Fever. Oh bah. Mais tu crois que tu parles à qui? Excuse-moi, David, mais. Je pensais que tu étais nouveau dans avant le... toi. Je pensais que tu étais nouveau né dans en le 90. Game. Je me suis dit, si vous connaissez pas Fred, je peux vous le présenter. Alors donc, tu parlais de R&B Fever, en effet. Ouais. J'étais très jeune à l'époque. Et j'ai adoré ce qu'il a fait sur R&B Fever. Et donc, après, j'ai suivi un peu tout ce qu'il a fait après. Et je pense qu'il est revenu maintenant en force avec Indila, avec Team BS et tout ça. Et ben on va l'appeler dans un instant, on va voir où il est, peut-être qu'il est en studio parce qu'il bosse tout le temps, Scalp. Le mec n'arrête jamais en je fait. Il faut que je te raconte une histoire avec ça. Vas-y. Et c'est une histoire qui m'a choqué. Tu sais qu'il met la clim à 300% dans son studio. Mais genre moins 20 ou plus 50? Mais c'est à moins 30, à moins 50. Pour pas s'endormir. C'est pour rester éveillé, pour taffer, il met la clim. Moi j'ai pris la crème trois fois quand j'y suis allé. <J'avais pas. rire> C'est impressionnant. Et ben on va essayer de réveiller dans un instant en direct de son igloo. Scalp dans quelques minutes, ne bougez pas. Et là le morceau s'appelle comme l'album, Tout Recommencer. C'est David Carrera, notre invité sur Skyrock. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. La dernière seconde vient toucher le fond du sablier. Il ne me reste plus que le passé pour continuer de rêver. Au pire des moments, le conga sonné. Je chérirai le temps pour te retrouver. Tiki tiki. te sens partir ailleurs. Entendu l'écho de mes mots, je ferai de chaque jour une éternité. Oh oh oh, oublier que passent les minutes et les heures, j'empêcherai les envies de tourner. Je déjouerai le destin pour te ramener au pire des moments. Le gong a sonné, je gère le temps pour te retrouver. Aka aka bo. C'est aussi le nom de l'album Tout recommencer à l'instant. David Carrera avec nous et à la prod donc Scalp. Ouais. Quelqu'un que t'aimes pas en fait, il t'a pourri l'album. Il m'a pourri l'album, ouais, il a. Ben, en fait. C'est pas un mec fiable quoi. C'est pas du tout un mec fiable. Non. Si un jour on te dit de faire un titre jamais. Avec lui, de le mettre dans un planète. Surtout pas. Il faut dire non tout de suite. Bah faut dire non parce que c'est pas bon. C'est pas allô, bon pour le planète. Allô Scalp. Allô. Comment ça va? Ça va. On disait plein de bonnes choses. On disait plein de bonnes choses sur toi. Écoute, j'ai cru entendre là. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Bon, tu es où? Alors, à ce qui paraît, moi, je viens de découvrir un truc. Tu es dans un igloo. Ah, t'es pas loin. Non mais sauf qu'il fait pas froid. Je sais pas si David, t'as écouté l'émission il y a quelques minutes. Il nous racontait que chez toi, donc en studio, il faut que tu mettes la clim à -20, -30, voire même -40. Exactement, et puis on a des vestes prévues pour toutes les tailles pour les clients. Bon, ça va bien, Scalp? Ouais, super, super, en pleine forme. Ça fait plaisir de vous avoir. Hein. Et bah, pareil, t'es où? T'es en studio? T'es à la maison? T'es en voiture? Ah, là, je suis dans un igloo, studio, et j'ai la clim. Voilà. Ce bon, que je peux dire. Alors, Scalp, je compte sur toi. Parce que depuis qu'on a commencé l'émission, depuis lundi, il y a Mokobé qui est passé, et le CK, il y a Dry qui est passé. Cindy qui est passé hier, il n'y a que des louanges sur David Carrera, donc je compte sur toi pour commencer à balancer un petit peu parce que là franchement là c'est trop quoi. Ouais, bah écoute, malheureusement c'est trop hein. C'est voilà, c'est un jeune garçon qui donne en tout cas qui m'a beaucoup déclenché en studio et d'ailleurs la première fois qu'on s'est vu, on a travaillé directement. Voilà. À la base, c'était parti pour une rencontre et parce que c'est un gars qui déborde de d'ondes positives et qui a beaucoup d'inspiration et qui est inspirant. Donc, En fait, je peux que faire des louanges. En fait, ce le truc, jeune garçon et, à l'origine, voilà. Vous rencontrez et bim, ça part direct en taf. En fait. Ouais. Immédiatement, on a quoi? Au bout de 30 minutes de conversation, c'est Vladimir pendant le fou qui tenait à tout prix à organiser une rencontre au studio. Un célèbre tenancier de bar. Exactement. Et voilà, les tic-tac, il est sorti des enceintes. Direct, quoi. C'était quoi les premiers morceaux que vous avez bossé ensemble, vous, sur l'album? C'était quoi? C'est avec tic-tac. C'est tout recommencé, en fait. Ouais. À la base, il s'appelait tic-tac à la base. Le morceau s'appelait tic-tac à la base. Et comme il y a. Tu te rappelles les trucs, les tic-tac, là? Non, mais j'imagine le nom de l'album. Tout de suite, David Carrera et son album tic-tac. Mais donc, c'est marketing. Ah, c'est pas mal. Donc si on veut un produit de un placement de produit, ouais, on peut l'appeler Tic Tac. Je pense que c'est une bonne idée. Non, mais c'est vrai, c'est super. Je pense que je me suis beaucoup amusé en studio avec Scalp et on a direct trouvé. La chanson s'est fait en une heure et demie, même pas. Donc l'idée générale, elle est très très vite. Allô, donc, Scal... Allô, attention, ne t'éloigne pas trop de l'igloo. Reste voilà, dans l'igloo. C'est bon, c'est bon. Là, voilà. j'ai mis la clim à moins 8. Là. Ne bouge plus. Voilà. Ouais, et donc, voilà, donc, bonne ambiance en studio. Pas un dossier à balancer, rien, Scalp. Alors, qu'est-ce que je. Ben, écoute, non, malheureusement, on s'est surtout croisé pour travailler sur le titre, affiner. Affiner les choses sur le titre. Malheureusement, on n'a pas encore eu le temps de passer plus de temps ensemble pour s'échanger des vibes, des anecdotes. Bon, ce sera pour le prochain. C'est une personne que j'aimerais bien connaître en dehors du studio parce que c'est une personne que t'as envie de d'avoir près de toi. Voilà, en connaissant, c'est ce qui n'est pas le cas avec tous les artistes bien souvent. et donc voilà quoi, j'ai malheureusement pas de dossier, je peux pas t'en fabriquer. Écoute, voilà. Peut-être pour la prochaine le prochain Planète Rap. Ah oui. Je compte sur toi, Scalp. Comment ? Je compte sur toi, Scalp. Ah oui, t'inquiète pas. Je penserai à toi. Je mettrai un dossier Fred. Très bien, merci. Bon, sinon tout va bien. Bon. Donc le carton d'Indila, évidemment, Scalp, on en a parlé il y a quelques minutes. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va entendre de toi prochainement? Écoute, là actuellement, je travaille sur mon album. Donc ça faisait un bout de temps que j'en parlais autour de moi. Ouais. Je t'en avais parlé aussi. Ouais, également. Tu l'avais dit, ouais. Voilà, et là je mets vraiment les mains dans le cambouis. Donc voilà, cette année je vais rester focus sur mon projet et sur la suite de l'aventure Indila, bien entendu. Et bah terrible. Donc voilà. Et bah fais un bisou à Indila. On va préparer ça pour tout le monde. Et on t'attend avec impatience donc pour la sortie peut-être 2015, la sortie de ton projet. Bah avec très très grand plaisir. En tout cas voilà, c'est un très grand plaisir de vous avoir et merci beaucoup. Voilà, tic-tac pour recommencer en tout cas. Ça va le faire. C'est une belle aventure qui commence pour David. Je te souhaite merci le meilleur. Merci, Voto. Tu voulais ajouter un truc, David J'espère que tout se passe bien dans ton igloo. Et voilà, parce que moi je sais où est-ce qu'il est, mais je peux pas le dire. Merci. Je peux pas le dire. Il est dans un igloo assez chaud là. Il est en mode Happy Holidays. Exactement. Et voilà, j'espère que tu te reposes bien et que tu taffes bien sur ton projet. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être rentré dans cet album. Il n'y a pas de souci, toi-même tu sais, hein, de toute façon on se recroise très très vite. Bah ouais. Merci Scalp d'avoir été avec très nous. Très vite. Passe une bonne soirée. Bosse bien. Également. À très vite. À très bientôt. Ciao. Allez, ciao. On va revenir dans un instant, David. Ouais. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau juste après la pub? Je pense que. Je ne marche pas seul, rien à envier. Qu'est-ce que tu penses seul. De ma liberté? Ah bah. C'est le choix que tu viens de dire là. C'est ce que j'allais le dire. J'allais dire ma liberté. J'allais le dire à l'instant. Donc ma liberté, écoutez dans quelques minutes. Et là j'ai une question technique. Attention, c'est très technique. Ouais. Pour repartir avec ton album dédicacé ce soir. Non mais là parce que depuis le début de semaine c'est quand même très simple. C'est tout tranquille. Dourdan Marrakech. Où est né David Carrère? Non là c'est vraiment très technique. Là c'est pour les plus fidèles d'entre les fidèles. Ouais. On est prêt? Ouais. Dans quelle planète rap est venu pour la première fois David? Là c'est technique. Et je ne veux pas non seulement je ne veux pas l'artiste qui t'a invité, mais je veux aussi, alors pas la date, parce que la date si vous le trouvez, alors là c'est super jackpot, vous repartez avec une nuit avec David Carrera. Mais ça commence à venir le côté pervers, t'as vu. Ça monte. 20h17 c'est la montre. Tout à l'heure tu vas parler comme ça. Me chauffe pas trop. Donc évidemment il me faut le nom de l'artiste. Et allez on va dire quel mois et quelle année. Alors par contre s'il y a quelqu'un qui a la date précise, galère, je vous jure qu'il y a une nuit avec David Carrère. Tu te démerdes après hein. D'accord. Donc quelle planète rap est venue pour la première fois David Carrère, avec qui et quelle période à peu près, donc le mois et l'année. Vous balancez au 41759 avec le hashtag David Carrère sur Skyrock. Technique, quand même. Parce que je suis même pas sûr que toi tu te souviennes de la date exacte. Moi je me souviens pas de la date. Mais je vais réfléchir pendant la pub. Ne bougez pas, on revient juste après ça avec David Carrera et le morceau, donc on a dit Ma Liberté. Ouais, Ma Liberté. Allez. En featuring avec Tal et Wiz Khalifa. Ah, peut-être un indice. Bougez pas, on revient après ça. Comme toi, David Carrera a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Passez une bonne soirée avec David Carrera dans Planète Rap entre 20 et 21. David Carrera avec Aziz qui va bosser avec toi, là, ouais. Ou qui bosse déjà avec toi d'ailleurs. Qui bosse, sur... ouais. C'est quoi, sur les clips, sur la tournée, sur tout ce qui est clip, tout ce qui est tournée, tous les shows qu'on fait. Et voilà, je mets... Aziz qui est chorégraphe, hein, je ouais, dis ça pour ceux qui nous rejoignent. Ouais. Et qui back aussi, pendant la tournée. Et voilà, c'est de plus en plus j'essaie de mettre de la danse parce que moi je trouve que j'aime beaucoup mes références, c'est un peu Michael, un peu tout ce délire là, danse, chanter, Chris Brown, Usher. Donc voilà, j'essaie de mettre de la danse dans tout ce que je fais. Est-ce que c'est un bon danseur, Aziz? Ouais. Il se débrouille, Aziz, il se débrouille. Non, mais moi, c'est l'inverse. Non, c'est un peu l'inverse. C'était pas à toi la question, David. Non, est-ce que c'est un bon danseur, David? Ouais, c'est un bon danseur. Est-ce... Et puis, en plus de ça, c'est qu'il progresse super vite. Ça t'arrive à le savoir tout de suite, par exemple, quand tu rencontres David la première fois, tu dis, allez, je sais qu'on peut aller plus loin ou... Ouais. Suivant comment la personne, elle bosse, en fait. Si tu commences à lui montrer 2-3 pas et puis qu'elle commence à souffler, elle te dit, bon, c'est dur ce que tu fais. Ou si la personne elle te dit attends, faut refais-moi voir comment on fait, on va y aller un peu plus. Et puis non, c'est cool, c'est un bosseur, c'est un sacré bosseur le petit gars. J'ai filé quelques petits billets pour qu'il dise ça. Bien joué, c'est vrai. Mais on pourrait voir si t'es un bon danseur ou pas. Je pense que tu pourrais le montrer. 3h du mat, je vous ai dit. C'est pas on a dit 4 heures alors. C'est encore plus. Bon, on peut viser 3h du mat. On peut viser le KO à 3h. Hein. C'est ça. T'inquiète pas. Knockout. Non, moi j'ai un vrai problème avec les tons. Je sais pas faire. Ah ouais? Ah, j'ai un vrai problème avec les tons. Je te jure, jamais j'aurais pu être dans l'armée ou quoi que ce soit. Le truc militaire, c'est impossible. Il met le fusil dans l'œil de l'autre. Juste... Non, j'ai un vrai problème sur les temps. C'est un truc, j'essaye parfois d'avoir le temps, mais il passe toujours avant moi, plus rapidement. Il y a un problème là-dessus. Il dépasse. On peut d'ailleurs, c'est une maladie, hein, Aziz, ça. Hein, c'est... Ouais, la tonphobie, je sais pas. La tonphobie, pour un danseur, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir compter jusqu'à 8. Donc, et puis après, tu répètes. Mais là, tu parles à un animateur radio. 1, 2, 3. Trop dur. Bon, bah, bienvenue en tout cas, Aziz. Merci. Et Gary est de retour. Bah ouais, Gary. Le célèbre Gary Fico qui a bossé avec toi sur l'album, qui est le réalisateur de l'album. Ouais. Et qui est venu aujourd'hui avec le coéquipier d'Alvin. Et voilà, c'est avec eux deux que j'ai commencé toute l'expérience, tout recommencer, tout l'album. Des sacrés danseurs aussi, les deux. D'Alvin, ouais. Ouais, D'Alvin, c'est ça. Gary, laisse tomber. Moi, je crois que c'est pour toi, celle-ci. Gary, il fait la même danse que toi, en fait. Ouais, la danse de la tortue sur le sol. C'est ça. À partir de 3h du matin. Pareil. Avec Fred, on a dû se louper, je pense, quelques fois. Ouais. Et voilà, c'est avec eux que j'ai commencé toute l'expérience, en fait. Donc ce soir, c'est un petit peu ambiance familiale, ambiance intime, ceux qui étaient là sur l'album dès le début. Et ceux qui suivent aussi. Et ceux qui suivent la tournée, etc. Donc on s'éclate, c'est bien. Tout recommencer, c'est le nom de l'album. On avait promis Ma Vérité, on balance. Avec Tal? Ma Liberté. Je me suis dit, j'ai écrit un autre titre, je sais même pas. On n'a pas eu. En fait, j'ai un vrai problème. En fait, c'est la tonphobie que j'ai et les titophobies. C'est-à-dire que sur les titres, je sais pas, C'est pas facile. Faut que t'ailles voir un médecin. Mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que le truc, tu vois, c'est mémoire de 3 secondes. C'est comme dans Nemo, le film. Ouais, c'est ça, le poisson. Bonjour, exactement ça. Ça va? Bonjour, ça va? Qui on reçoit? David Carrera, ça va? Donc le morceau, c'est Ma Liberté avec Tal. Et d'ailleurs, ça va m'amener vers la réponse que j'ai posée tout à l'heure. J'ai posé une petite question il y a quelques minutes. Ouais. Quand es-tu venu la première fois? D'ailleurs, c'est marrant, on va voir avec toi. La première fois, c'était avec Tal, hein, on vous le dit, c'était avec Tal. Mais quelle période? Est-ce que tu te souviens? Alors. Premier Planète Rap de David Carrera quand il est venu en tant qu'invité. Moi, je pense que c'était en décembre. Décembre de? En décembre 2000. On est en 2014, là, c'est ça? Ouais. Je sais pas, moi, je t'ai dit. La tonphobie. Ça va, comment tu t'appelles? Bonjour. Jean-Luc. C'était en décembre, bah là on est en 2014, décembre 2013. Donc décembre 2013, en effet, tu te rapproches, c'est même ça, décembre 2013 avec Tal. Précisément, c'était le 9 décembre 2013 quand tu as fait ton apparition au micro de Skyrock à 20h10 pétante. Et... c'est toi qui veux gagner le truc, non, j'ai couché avec moi, c'est Fred, tu commences à me faire peur là. Attends. Il se met en mode pervers. Bam. Tu me chauffes, hein, ma petite garce. Mais on n'avait pas dit coucher, on avait dit une nuit avec David Carrera. Après c'est toi qui t'avances, hein. Il faudra assumer. C'était le 9 décembre 2013 à 20h10 quand tu es venu ici dans le studio Planète Rap et que tu as dit bonsoir. Bonsoir Fred. Voilà. Je m'en souviens plus, moi. Me demande pas. J'aurais été incapable de dire la date. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé la date. Oui. Non, pas la date précise. On n'a pas eu la date précise, mais on a eu décembre 2013. Donc bravo à vous tous. Bravo à tous ceux qui suivent avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Allez-y, vous balancez tous vos messages et on écoute donc le morceau avec avec Tal qui t'avait invité dans son Planète Rap. Ouais. C'était mon tout premier Planète Rap. C'était cool, tu vois. C'est comme cette semaine, non? Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Tranquille, on s'éclate. Et on met du son. Allons-y, ma liberté maintenant. Big joint rolling, Bombay sipping, no blunt smoking. Big joint rolling, Bombay sipping, pour shots of liquor. Prenez tout ce qui brille autour de moi. Si vous pensez que toute ma richesse est là, prenez tout ce que vous voulez. De ce monde artificiel, et gardez toutes ces choses qui nous envoient en enfer. Toutes ces addictions qui font pleurer nos mères. Prenez tout ce que vous voulez et laissez ma liberté. Je ne veux plus danser, je ne veux plus jouer avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Pensez que votre bonheur est là. Prenez tout ce que vous voulez de ce monde artificiel. Gardez ces promesses qui ne voient jamais le jour. Toutes ces illusions qui font pleurer l'amour. Prenez tout ce que vous voulez. Yeah. Laissez ma liberté. Je ne veux plus danser. Je ne veux plus jouer avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Ne plus jamais retomber. Yeah. Vous n'aurez pas ma liberté. Big joint rolling, Bombay sipping, no blunt smoking. Bad bitch getting thinking she got some friends with her. I take them out, pour shots of liquor. Drinking out, that's the rules. High as fuck, sloppy drunk when I'm past rolling doobies up, yo. Yeah. We pass them to big joint rolling, Bombay sipping, no blunt smoking. Bad bitch get in. Je ne veux plus danser. Je ne veux plus jouer avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Ne plus jamais retomber. Vous n'aurez pas ma liberté. Le morceau c'est Ma Liberté avec Tal et David Carrera, c'est sur l'album. On fait un bisou d'ailleurs à Tal qui est en tournée en ce moment. Big up à Tal qui est en tournée. Allez, oh là là, c'est bien mou ce soir là. C'est ça, ils sont en mode. Ils ont trop écouté le titre avec Snoop. Ça... Ah oui. Oui. Faites un peu de bruit s'il vous plaît pour David. Allez, faites de. Voilà. David Carrera avec nous ce soir dans l'émission entre 20 et 21. Freestyle par téléphone demain parce qu'on a un petit problème de liaison avec celui qu'on devait avoir ce soir dans l'émission. Mais c'est pas grave, si tu veux, si tu es prêt. Avec Lordissa, on va attaquer le live. Let's go. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Lordissa qui est pas ça. Alors, mais est-ce que vous êtes prêt ici dans le studio? Yes. Parce qu'on vous sent un peu mou. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Ouais. Vous êtes prêt à chanter avec nous? Bah surtout avec toi hein. J'aimerais pas massacrer tes morceaux. David Carrera featuring Fred le Pervers. Vous êtes chaud? Aziz, tu chantes aussi, non? Ouais. Let's go. Ah bah il y a Gary aussi. Ah bah oui, donc. Il y a la famille, il y a toute la famille. Il y a toute la famille, c'est parti. Let's go. Lordissa au platine, on y va maintenant sur Skyrock, David Carrera en live dans l'émission. Et on a Dalvin aussi avec nous. Ah. Yeah. Carrera David. La famille. D-A-Y. What you be, what you be. Obrigado la famille. Tous main dans la main depuis qu'on est unis pour toute la vie. Rien ni personne ne nous séparera. On n'a pas toujours les mots pour pour se dire je t'aime, il en faudrait trop. Yeah. Celle qui m'apprécie, qui m'accepte comme je suis. Chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des miens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Tout le monde. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Oh oh oh oh oh oh oh. Dans la famille, j'amène toucher la farine, quitte à galérer rue Staline. On s'installe-t-il et que s'aligne. Le courage mieux que l'argent, quand on agit, n'est-ce pas de salive. Désolé, monsieur l'agent, mafia africaine. L'emblème, ensemble on a tout fait. Ensemble on a douté, à son dérouté. Soudé comme des si à moi, jamais on ne se fie aux lois. On sent comme des rois, même dans la merde, yeah. Quand on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous, pas de bluff chez nous. Et pas de bol si vous êtes contre nous, on se dresse contre vous. C'est chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des miens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Yeah, yeah. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Tout le monde. Oh oh oh oh, va faire plus fort. Oh oh oh oh, la famille. Boom ce soir. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Let's do boom. Lordy ça. Yeah. Vous êtes un peu froid dans le studio. On a envie d'entendre tout le monde dans le studio. Vous êtes chaud ou pas? Comme dans un film au ralenti, la dernière image, toi qui t'enfuis. Tu as dit c'est la vie, t'es parti et dehors il fait gris, clap de fin, puis le taxi en bas qui démarre. J'ai le cœur qui bat au ralenti. Dans tes yeux je vois tout est fini. Notre histoire d'amour sous la pluie, c'est ne pas repenser à toi surtout. Sortir faire comme si je tenais le coup. Ton souvenir me poursuit. Tu es dans toutes mes nuits. Tu m'aideras à ne plus repenser à nous. Tu es parti et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard. Tu m'aideras à t'effacer de ma mémoire. De t'oublier. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Je pense à toi, je te vois partout. Je rêve de moi et je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de boulot. Est-ce que vous êtes chaud dans le studio ce soir? Ouais. Vous allez vous faire un mode gigoté ou pas? Je crois qu'on va tous les faire sauter David ce soir. Celle-ci c'est pour Romano, je sais pas s'il nous écoute. En mode gigoté, vous êtes chaud? Ouais. Attention, Fred va danser. Yeah. Vous êtes chaud, Fred va danser. Ouais. Fred va danser, let's go. Fred. Et gigoté. Tout le monde, Turn down for what? Vous êtes faire plus fort, vous êtes chaud. Turn down for what? Pull up. Y'a du monde qui connaît Snoop ce soir ou pas? Ouais. J'ai entendu, y'a du monde qui connaît Snoop ou pas? Ouais. Mr. Snoop Dogg. Yeah. Wanna do Fred Skyrock. Dabba dabba do. Live and direct. Yeah. When the pimps in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, fuck it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. And if a nigga get an attitude, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. I got the rollie on my arm. Pull up. Mets-nous un petit viser le chaos, s'il te plaît. Mets-nous un petit viser le chaos pour entendre tout le monde chanter. Vous êtes chaud ou pas? Ah, tu veux mettre un petit wiggle wiggle, c'est une bonne idée aussi. Attends, je crois qu'il veut voir du booty shake. Il veut voir du booty shake. Est-ce qu'il y a du booty shake dans le studio ce soir? Je sais pas. Il dit ça, il rigole pas. Il s'est mis en mode pervers comme Fred ce soir. Les petits boulons. Let's go. You know what to do with that big fat boy. Wiggle, wiggle, wiggle. Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. J'ai envie de faire un petit visé le chaos. C'est chaud, Issa, ou pas? Mr. Lord Issa. Vous êtes chaud? Yeah. David Carrera. Big Snoop Dogg, we doing this one for the kids, all love, peace, Rastafari. Derrière les airs invincibles de nos héros tranquilles, y'a toujours le même chaos, les mêmes moments difficiles. Et quand c'est à moi d'avancer, vers eux vont mes pensées. Ces géants qui me donnent l'espoir, la force et l'envie d'y croire. Moi, Medali a eu peur de tomber. Al Pacino du mauvais scénario. Sur un terrain ou un ring, Jordan Jackson, Luther King. Et comme je me suis dit, tap tap tap tap tap tap, frapper viser le chaos. Tap tap tap tap tap tap, gagner sa place en haut. Tap tap tap tap tap tap. Peace in the streets, all drama free. So slick and so quick, but I'ma do it honestly. Inspire, uplift the youth, lead with direction, speak only the truth. Moi, Medali a eu peur de tomber. Al Pacino du mauvais scénario. Sur un terrain ou un ring, Jordan Jackson, Luther King. Et comme je me suis dit, ta ta ta ta ta ta ta ta, frapper viser le chaos. Ta ta ta ta ta, c'est tout ce passant. Tout le monde, frapper viser le chaos. Yeah, c'est tout ce qu'il nous faut. Sur Skyrock. S-E-N-O-M-O-P, David Carrera. Big Snoop got game to obtain. For real though, come here though, do what I feel though. Turn it up loud, so I can go ahead and break it on down, down, down. Ta ta ta ta ta ta ta, fly baby, c'est le chaos. Ta ta ta ta ta ta ta ta, gagner sa place en haut. Ta ta ta ta ta ta ta ta, fly baby, c'est le chaos. Tout le monde. À l'instant en live. Viser le chaos. Et puis plein d'autres morceaux en live. À l'instant, une grosse ambiance par David Carrera. Ah, il t'a plu celui-ci, hein? Il m'a plu, le gigot-gigoté. Et bah, dans un instant, on va retrouver justement Diffoul Romano et toute l'équipe au 01 53 40 30 20. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, inscription au 41 759 avec prénom, numéro de téléphone. Est-ce qu'on mettrait pas un dernier morceau, David? Ouais, je pense qu'on peut mettre un dernier morceau. Qu'est-ce lequel? Ah, qui a dit ça? Ah, c'est toi! Elle a dit je ne marche pas seul, on l'a entendu. Bah, je pense qu'on peut faire celui-ci. Tu veux dire un mot d'ailleurs sur celui-ci ou pas? Bah, ce titre-là, je ne marche pas seul, en fait, je l'ai écrit pour mon grand-père, qui est décédé. Et j'ai écrit avec Gary Fico. En fait, c'était important pour moi de trouver quelqu'un à qui je suis très proche pour pouvoir parler de ça. Et voilà, et c'est un titre qui me tient vraiment à cœur, et voilà. Je pense qu'il y a un message positif derrière, tu vois. C'est l'idée, c'est même s'il y a quelqu'un de proche qui part, il est toujours présent et tu finis par être toujours à côté de ces personnes. Donc ouais, ces morceaux universels justement pour tous les gens qui sont touchés par des pertes autour d'eux et malheureusement ça arrive. J'ai envie de dire au quotidien, mais régulièrement. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et c'est quelque chose de fatalement ça t'arrive à un moment de ta vie. C'est ça doit t'arriver normalement. Je ne marche pas seul. Gary, tu voulais ajouter quelque chose sur le morceau ou pas? Non, il a tout dit. Très bien, Gary. Dès que tu veux intervenir, tu lèves la main, n'hésite pas. Un moment où tu cries. Comme tu veux. Je suis arrivé un peu en retard, je me fais discret. Ouais, je vois. Allez, on écoute le morceau et puis on fera tourner la roulette juste après. Ils disent que je suis un solitaire, que je ne suis pas un homme ordinaire. Mais toi qui sais tout de moi, vas-y dis-moi. Quoi tu penses quand tu me vois? Toi le seul qui me comprend, me devine. Le seul qui sait lire entre mes lignes. Je sais que tu es là, même loin de toi, j'entends résonner ta voix. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? On va se lancer. Et j'ai honte. Sans toi, rien ne peut nous séparer, non. Et si jamais je me perds, marche à l'envers. Sois ma voix, mon repère, ma lumière. Prends ma main, montre-moi le chemin. Yeah, yeah. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? On va se lancer. Je ne marche pas seul à l'instant. David Carrera, extrait de son album qui est toujours dans les bacs. David, merci d'être passé une fois de plus ce soir. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette maintenant. Let's et go. On va retrouver Difool où tu vas pouvoir chanter dans quelques minutes encore avec Romano. Ne bouge pas. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti. Alors, qui a envie de jouer? Skyrock t'offre Sin City, j'ai tué pour elle, au ciné, plus sa nouvelle tablette tactile. Salut Chloé, ça va bien Chloé du 7-8? Ah, Chloé, peut-être ne marche pas. Seule, en tout cas, elle n'est plus avec nous. Allô, Chloé. Elle est partie, Chloé. Elle est là, Chloé. Bah écoute, je sais pas. Peut-être qu'elle fait la grève de la parole. Chloé. On la salue. En tout cas, elle voulait faire tourner la roulette. C'est pas grave. On va essayer de la récupérer dans un instant. Merci en tout cas, David, pour cette soirée. Merci. Merci, Aziz. On découvre les chorégraphies bientôt en tournée. Bon, là, déjà, il y a l'album. Ouais. Et après, par la suite, la tournée de David pour aller un peu partout. Donc voilà, n'oubliez pas ma petite mokobri, ma deuxième mokobri du jour. Allez acheter l'album et dans les bacs. Et on peut le télécharger iTunes tout de suite maintenant. On peut aller cliquer et le récupérer. Ouais, donc voilà. Et voilà. Eh ben merci David, merci Gary. C'est un plaisir. Demain, de retour entre 20 et 21. Merci Lordissa, qu'on retrouvera au platine, non seulement avec toi David, mais avec le ministère Hammer. C'est exact. Lundi soir, loupez pas le concert. Hein. À l'Olympia, ouais. Olympia. Est-ce qu'il nous reste des places, Fab, pour ministère ou on a tout donné hier? Ah bah vous pouvez balancer aussi si vous voulez aller voir Ministère Hammer, allez-y 41 759. Il nous reste quelques places à l'Olympia et dépêchez-vous de les prendre parce que je crois que c'est pratiquement blindé hein. Pratiquement hein. Donc allez-y, ne loupez pas la reformation du ministère avec Passy Stomy. Demain soir il y aura une nocturne spéciale. Et on a retrouvé la roulette ou c'est mort pour la roulette? Non, je crois qu'on a un vrai problème d'insert depuis ce soir en fait. Merci à vous tous, merci David. Demain, la dernière. Demain la feu dernière. D'artifice demain, ah, pour demain, la dernière un petit, on prépare peut-être un petit feu d'artifice là. Un petit un gros feu d'artifice. Visez le gros feu d'artifice. Visez le gros feu d'artifice. Ce sera demain entre 20 et 21. Et on va retrouver D-Fool maintenant, si tout le monde est là. Yeah. Si vous êtes connecté. On est là. Connecté, Fredo. Bah, je vous entends. Bonjour David, bonjour Fredo, salut. Bonjour Lordissa, bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez entendu le medley de David? Avec Gigoté, oui, j'ai entendu. C'est-à-dire que maintenant c'est devenu tellement un tube qu'il le, que tout le monde le reprend. Oui, j'ai entendu ça tout à l'heure, super David. Alors, tu as déjà repris Boom ou pas? Vous avez déjà repris Boom? Alors, Sarah Romano est en train de travailler, il sort du studio dans quelques instants. Et je pense que d'ici demain soir, il y aura des nouvelles. Donc okay. Il est encore en studio, là, il bosse. Ouais, là, il est en train de bosser sur le son de David. En tant qu'agent de Romano, est-ce que je peux faire un feat avec lui sur un prochain album? Bien sûr. Tu passeras me voir avant parce que lui, méfie-toi, je te le dis, parce qu'il est encore en studio, il ne nous entend pas. C'est un escroc, hein, faut faire c'est clair. Faut faire attention à ce genre de personnage, il va te faire signer un truc et tout, tu vas être lié à lui pour toute la vie. Enfin, faut faire gaffe, il va prendre tous tes droits, fais attention. Donc passe directement par moi, c'est beaucoup plus sûr. D'accord, voilà, ouais. C'est ça, on va faire ça. En tout cas, super le gigoté de tout à l'heure là. Ouais, okay. C'était une reprise. Okay. Une reprise de la reprise. Tiens, petite question, David, parce que ce soir on va finir parce qu'hier on a commencé à parler des bonnes choses de la rentrée. T'aimais bien, toi, le bahut, David? Ah, moi j'aimais bien la rentrée. T'aimais bien la rentrée? Ah ouais? Ah oui, pour découvrir les nouveaux. T'es bizarre, toi. Mais si, t'aimes bien la rentrée quand même. En fait, non, j'aime bien le premier jour de la rentrée. Le reste, fallait oublier, en fait. Ah voilà, c'est ça, ouais. Parce que c'est le jour où tu fais rien, c'est le jour où on te donne tes livres, on te dit ce que tu vas devoir faire. Est-ce que tu retrouves les potes? Est-ce que tu étais bon en portugais? Si j'étais bon en portugais, non. Même pas. Attends. Non, j'étais pas bon. J'étais en langue, j'étais horrible. Ah, t'étais horrible. Ah, ben on a vu l'anglais. T'as vu l'anglais, t'as compris. L'anglais, on a compris. You speak very well English, David. Okay. C'est dingue, on dirait que je pose la même question à Fredo, il me dit la même chose. Oui, on a dû avoir les mêmes profs. Vous avez les mêmes profs. Puisqu'on est de la même date, hein. Toi, t'es quoi, 91? Fredo aussi. Ah, Fredo. Je suis 90 et demi. Fredo aussi. Donc voilà, on est à peu près pareil. Et t'as eu des profs qui t'ont fait délirer, genre tu te moquais d'eux. Ah oui, j'en ai eu. Qu'ils avaient une gueule pas possible, ou ils avaient une odeur pas possible, ou les deux. Surtout les odeurs. Moi, j'avais surtout les odeurs. J'avais une prof de français. Oh. Elle était, c'était bizarre. C'était un mix de camembert avec, sympa. Avec, tu vois, les chaussettes que t'as laissées dans tes chaussures pendant 2 semaines et que tu les sors que maintenant. Ouais, bon, c'était une grosse crade en fait. Ouais, c'est ça, en gros. Mais elle était gentille. Ah, ben, on salue la dame gentille qui sentait le camembert et les chaussettes. La totale, un bon mix. On va y revenir là, parce qu'on s'est dit, la rentrée, c'est vrai que c'est parfois relou, mais il y a des côtés positifs, c'est qu'on rigole bien. Bah oui, c'est bien, après tu retrouves tes potes, tout, t'es content. Moi, la rentrée, j'aime bien, hein. Franchement, j'aimais bien la rentrée. Moi aussi. Ouais, après, bon, ça partait en vrille, mais. C'est ça. Le premier jour, c'est top. Beaucoup de points communs entre David Carrera et Fredo. Ah bah, je pense qu'on finit ensemble à la fin de semaine. Hein. Oh, mignon, quel beau couple. Être mignon tout plein, tout le temps. Bon, on va vous retrouver demain pour la dernière de la semaine, demain, David, à partir de 20h pour ton Planète Rap tout au long de la semaine. Eh ouais. Et ben on en profitera demain 20h-21h. Merci Fredo. De rien. À demain tous les deux. Merci David. À demain tous les deux. Et Radio Libre, attention, c'est parti. Dans un instant, on retrouve toute l'équipe. Vous pouvez nous appeler à 01 53 40 30 20. Ouais, c'est dingue. C'est les feux d'artifice le soir là. C'est qu'on sait plus où on est, quoi. Il y en a tellement partout. C'est trop fort Skyrock. Donc vous appelez, vous laissez vos messages sur le 41 759, l'appli Skyrock. On vous attend jusqu'à minuit. Les profs, on dit reviens. Les profs qui font d'Arca, vous nous dites. Et puis toute l'équipe qui est là ce soir et jusqu'à minuit. Et peut-être un invité mystère surprise qui viendra nous rendre visite d'ici minuit. Mmh. Et peut-être, ça, même, c'est bon, ça. Peut-être même d'ici quelques instants là. Restez bien dans le coin. Merci David, merci Fredo. Merci. Et c'est parti, Radio Libre en direct tout de suite. Ciao.